بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent. فالموريات قدحا qui font jaillir des étincelles. فالمغيرات صبحا qui attaquent au matin. فأثرن به نقعا et font ainsi voler la poussière. فوسطن به جمعا et pénètre au centre de la troupe ennemie. إن الإنسان لربه لكنود L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ Et pourtant il est certes témoin de cela. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux.